La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Merci. Ces dernières années, la vie numérisée s'est imposée à nous tous de façon fulgurante, mais beaucoup d'entre nous commencent déjà à fatiguer, à percevoir les limites de la connexion permanente, des amitiés sur les réseaux sociaux ou de l'information en continu. Et pourtant, il existe des alternatives pour alléger la charge numérique et son impact écologique. L'essayiste Karine Movilly publie au Seuil « Cyberminimalisme face au tout numérique, reconquérir du temps, de la liberté et du bien-être ». Elle est mon invitée dans un instant avec le sociologue Dominique Cardon, auteur de culture numérique aux presses de Sciences Po. L'occasion de réfléchir avec eux aux liens qui sont les nôtres avec Internet et nos objets connectés et comprendre quels sont les enjeux de la culture numérique dans nos sociétés. Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant avec vos messages et toutes vos questions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Une surprise aujourd'hui dans les profondeurs noires des océans à la une de la science. Et oui, on imaginait les poissons des abysses incapables de voir les couleurs. Une étude montre que leur vision est en réalité complexe et certainement bariolée. On plonge dans le noir dans un instant. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons la campagne pour les européennes. Nathalie Poitevin réalise cette émission préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Cyberminimalisme et culture numérique dans un instant dans le dossier avec mes invités que je salue, Karine Movilly et Dominique Cardon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, Karine Movilly. C'est une véritable diète ou hygiène numérique finalement que vous proposez dans ce livre. C'est un petit peu cela, le cyberminimalisme? Je dirais que c'est plutôt porter un regard critique sur la société cybernétique qu'on nous propose et sur l'artificialisation du monde, puisqu'aujourd'hui chaque geste est relayé par une application. Donc plutôt que de la digital detox, je dirais que c'est un regard critique et une forme de mode d'emploi pour mettre les données à distance le plus possible. Est-ce que vous-même avez été victime de fatigue numérique dans votre parcours ? J'en suis victime tous les jours, dans mon travail, dans ma vie administrative. Je l'ai été à un moment donné, ce qui m'a amené à ne plus avoir de téléphone portable pendant 4 années. Ouais. Mais je dois dire que la pression s'intensifie tous les jours. Donc je n'en suis pas sortie. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi chercher des solutions pour en proposer, en particulier aux parents vis-à-vis des enfants. Ouais, vous dites pas de portable avant 15 ans. Hein. Bien sûr, ça me semble la base. Bon. La base. Bon, beaucoup de parents qui nous écoutent vont en douter certainement avec nous. Dominique Cardon, en tant que sociologue, l'idée de débrancher finalement un petit peu, ça vous inspire quoi, vous, aujourd'hui? Alors, l'idée, ce qu'il y a, c'est que l'idée de critiquer, là, je la partage à 100%. L'idée de se débrancher, elle me semble plus complexe, même si, moi, je serais plutôt dans l'idée qu'il faut se brancher autrement. Mais voilà, toute l'idée aussi d'un quelque chose sur la culture numérique, c'est l'idée qu'en fait, non, il faut de toute façon, le monde, nous sommes dans un monde numérique, mais en revanche, il faut le comprendre, il faut le décoder. Pour avoir d'autres comportements à l'intérieur du monde numérique, qui peuvent être des comportements de minimalisation de nos pratiques et de nos usages. Mais je crois moins à l'idée de se débrancher parce que là, elle me semble ranimer, alors je le dis avec beaucoup de sympathie, mais une sorte de rêverie pastorale qui est fréquente chez les grands accélérés. Parce que on a ça dans les enquêtes de sociologie qui sont très fréquentes. C'est-à-dire que ces gens qui vont passer le week-end dans un monastère en enlevant leur portable pour se ressourcer et retrouver une vie authentique, c'est des gens qui, du lundi au vendredi, sont des grands accélérés, des grands communicants et qui accélèrent les autres. Parce qu'il faut jamais oublier que ceux qui sont très accélérés, ils embarquent tout le monde, qui sont des gens de service, qui les aident à aller encore plus vite et à communiquer avec plus de gens. Donc il y a quelque chose de paradoxal à faire une proposition qui est moins celle des milieux sociaux plus ordinaires, qui ont d'ailleurs des usages très différents, des technologies qu'on imagine parfois. Bon, le débat est ouvert. Alors finalement, on a des choses à se dire dans un instant et à échanger. Et puis également, bien sûr, avec les auditeurs qui ont leur avis sur la question et qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé d'attaque. À tout de suite. Au-dessous de 200 mètres, l'œil humain ne voit plus que du noir. Les seules lumières sont celles des créatures bioluminescentes, comme cette méduse peigne. En l'absence de lumière du soleil, pas de photosynthèse, donc pas de plantes. Au-dessous de 200 mètres, toute créature est animale. quand les couleurs émergent dans le noir des abysses. Eh bien, la vision des poissons est aujourd'hui la une de la science, Axel Villard. Oui, Mathieu, avec une étude dans la revue Science qui change notre vision et de la vision chez les animaux, de la compréhension de cette vision. Une équipe de chercheurs suisses et australiens ont étudié la génétique de centaines de poissons qui vivent entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Et ils découvrent que ces animaux possèdent toute une gamme de photorécepteurs complètement inconnus et que donc ils étaient certainement capables de voir les couleurs. On va en parler avec une des co-auteurs de ce travail, Fanny de Busserolles. Bonjour. Oui, bonjour et puis merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Vous êtes chercheur en neurobiologie à l'université de Queensland en Australie et spécialiste de l'écologie des abysses. Alors pour commencer, pourquoi est-ce que depuis des années on pensait que les poissons des abysses ne voyaient le monde qu'en noir et blanc ? D'où venait l'hypothèse de départ ? Alors l'hypothèse de départ venait tout simplement de ce que l'on connaît déjà sur le système visuel des vertébrés et donc de notre propre système visuel. Vous le savez tous, on a deux types de cellules photoréceptrices dans notre rétine, dans nos yeux, les cônes et les bâtonnets. Et donc les cônes sont responsables pour la vision à très forte lumière, donc durant le jour, et pour la vision des couleurs. Et les bâtonnets pour la vision durant la nuit et dans de très faibles conditions de lumière. Mmh. Et il y a différents types de cônes. Donc nous, les humains, on a un bleu, un vert, un rouge, par exemple, qui nous permet de distinguer des couleurs. Mais nous n'avons qu'un seul type de bâtonnets. Et vu qu'on n'en a qu'un seul type de bâtonnets, on n'a pas la possibilité de distinguer des couleurs dans des conditions de lumière très faibles. Et ça, c'est la règle générale pour tous les vertébrés, les poissons inclus. Et comme les poissons profonds habitent dans un environnement qui est relativement très noir, avec très très très peu de lumière, il a été assigné pendant très longtemps qu'ils n'avaient qu'un seul bâtonnet. Mmh. Ce qui est le cas d'ailleurs pour la plupart des poissons profonds. Mais notre étude montre justement qu'il y a des exceptions. Alors, au-dessous de 200 mètres de profondeur, l'œil humain ne voit plus rien du tout. Et ça, c'est justement parce qu'il n'a pas assez de bâtonnets. Est-ce qu'il faut le dire comme ça ? Oui, tout à fait. Déjà, on n'a probablement pas assez de bâtonnets et on a des bâtonnets qui ne sont pas assez performants pour les faibles intensités lumineuses à ces profondeurs. Quelles sont les sources de lumière qui arrivent jusqu'à ces profondeurs et de couleurs d'ailleurs ? D'où est-ce qu'elles viennent ? Alors, il y a entre 200 mètres et 1000 mètres, il y a toujours quelques intensités lumineuses qui viennent du soleil. Donc, elles sont très, très, très faibles et elles vont diminuer avec la profondeur. Et à partir de 1000 mètres, il n'y a plus du tout de lumière qui provient de la surface. Et il reste que la bioluminescence, qui est la lumière qui est produite et émise par les animaux qui vivent dans les profondeurs. Et cette bioluminescence, elle est présente dans toutes les profondeurs, donc de la surface jusqu'au fond des océans. Et de 200 à 1000 mètres, nous avons donc la lumière résiduelle de la surface, plus la bioluminescence, et en dessous de 1000 mètres, la bioluminescence uniquement. Alors, Fanny de Busserolles, c'est avec le décalage, on se coupe la parole. Avec cette étude, vous montrez que certains des poissons ont plusieurs types de bâtonnets, jusqu'à 38 bâtonnets différents, d'où l'idée qu'ils voient la couleur. Est-ce que vous vous attendiez à un chiffre aussi important pour ce nombre de bâtonnets différents ? Non, pas du tout. On était très très surpris. Auparavant, on avait trouvé un maximum de 2 bâtonnets chez d'autres poissons. Et donc 38, on ne s'y attendait pas du tout, non, ça c'est sûr. Alors après, 38 bâtonnets, c'est ce qu'on trouve dans le génome d'un des poissons profonds, mais ils n'utilisent pas les 38 bâtonnets en même temps. On a trouvé 14 bâtonnets qu'ils utilisent très probablement en même temps, et donc ils seraient capables de voir une palette de couleurs, si on veut, qui est très différente de nous, ce dont on pourrait percevoir. Alors, ces poissons vivent dans le noir complet, en tout cas pour nous. À quoi est-ce que ça leur sert de voir jusqu'à 14 types de gammes de couleurs comme ça ? Alors, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bioluminescence, il y a différents type de couleur de bioluminescence, si on veut, même si la plupart des signaux sont concentrés autour du bleu et du vert, puisque le bleu, c'est la couleur qui va se propager le plus loin qui est dans les profondeurs. Et Pardon, j'ai complètement... Oui, je vous demandais à quoi servait cette capacité à voir différentes couleurs pour les poissons des profondeurs. Oui, alors elle va servir soit à distinguer différentes proies, à éviter des prédateurs et aussi à communiquer avec d'autres partenaires, probablement trouver un partenaire sexuel ou communiquer avec d'autres congénères. Alors, on découvre dans l'étude un poisson pour le moment recordman du nombre de bâtonnets, c'est la Directe argentée, puisqu'elle a 38 possibilités, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, 14 dans l'œil. Qu'est-ce qu'on sait de ce poisson aujourd'hui? Est-ce qu'on peut étudier son comportement pour voir pourquoi il a tant de capacités visuelles? Alors, idéalement, ça serait vraiment le but prochain, ça serait de pouvoir étudier le comportement de ce poisson en miniaturel et aussi expérimentalement en aquarium. Malheureusement, à ce jour, on ne connaît presque rien de l'écologie et de la biologie de ce poisson. Et nous ne pouvons malheureusement pas le capturer et le garder en aquarium pour effectuer ces expériences. Donc, on espère dans le futur qu'on aura la technologie pour effectuer tout ça. Et découvrir plus. Merci beaucoup en tout cas à Fanny de Busserolles, vous étiez en ligne donc de Brisbane en Australie, spécialiste de l'écologie des abysses, étude publiée donc dans Science. Merci beaucoup Axel. À demain. À demain. C'est comme ça la vie, la vie. C'est comme ça pour accepter. C'est comme ça la vie, la fête. C'est comme ça. C'était Delgrès à l'instant. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Attends, je t'ai pas dit. Tu sais ce qu'ils ont fait à l'école aujourd'hui? Ah bah non. Vous avez fait quoi? Bah vas-y, dis-lui. On a parlé de ce qu'on voulait faire plus tard. Eh bah c'est bien ça, qu'est-ce que t'as dit à la maîtresse du coup? Médecin. Pardon? Médecin. Oh putain. Faut que ça tombe sur nous. T'as compris maintenant? Ce petit con veut faire médecin. Bon, écoute mon chéri. Moi je comprends que t'as envie de te démarquer des autres, ok? Mais il faut être un petit peu réaliste, faut penser à faire un vrai métier, quelque chose comme... Instagrammeur. Bah oui mon grand. Ça a combien de followers en médecin? Hein? Même pas 1000? C'est ça que tu veux faire de ta vie? Écoute, mon chéri, moi quand je te vois, je vois un youtubeur. Oui, ou un pro-gamer, tu vois, on n'a pas non plus des ambitions incroyables. Bon, allez, ça suffit, maintenant tu files dans ta chambre. Tu vas prendre des selfies et je te garantis que tu vas tweeter. Tu me dégoûtes! Et je veux voir des notifications, hein! Et que ça buzz! Voilà, est-ce un monde rêvé? En tout cas, c'est un court-métrage qui s'appelle « Tu veux faire quoi plus tard ?» de Clément Hudelot et Maxime Blanc pour justement illustrer notre dossier, essayer de prendre un petit peu de recul avec le monde numérique aujourd'hui, en tout cas pour réfléchir à notre rapport aux objets qui nous entourent. Karine Movilly, vous êtes essayiste formée en droit et en sciences politiques et vous publiez donc ce livre « Cyberminimalisme » avec un sous-titre « Face au tout numérique, reconquérir du temps, de la liberté et du bien-être ». C'est au seuil dans cette collection Anthropocène. Et puis Dominique Cardon, vous êtes sociologue et directeur du Média Lab de Sciences Po et auteur de cet ouvrage Culture numérique aux presses de Sciences Po. Et les auditeurs nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Je vous voyais beaucoup sourire, Karine Movilly, en écoutant cet extrait. On est dans la pure fiction là où on en a déjà au point d'avoir des parents qui encouragent les enfants à entrer de plein pied dans ce monde là. Je crois qu'on en est là, bien sûr, ça c'est la partie fictionnelle, mais quand un parent offre un téléphone portable dès 8 ou 10 ans, et puis un ordinateur, et puis pourquoi pas une télévision dans la chambre, sans moyen de contrôler l'activité de l'enfant, de fait, il le pousse vers ce genre d'activité, vers les réseaux sociaux, qui démontrent pourtant leurs impacts très négatifs sur le sommeil, sur les risques de dépression pour les enfants, sur les sentiments de solitude, etc. Donc, même si ce court-métrage était sous l'angle de l'humour, je crois qu'on n'est pas loin, voilà, d'encourager les enfants à aller vers ce genre d'activité. Mmh. Et puis ensuite, on le déplore. Donc, il y a là une contradiction qu'il est peut-être pas si difficile de dépasser, finalement. Ouais. Alors, on voit à quel point, justement, nous sommes immergés aujourd'hui dans ce monde et dans cette culture numérique, Dominique Cardon, justement. À quel moment, véritablement, le numérique a commencé à transformer profondément nos sociétés? Ah ben là, c'est compliqué, mais l'intérêt effectivement d'entrer dans la culture numérique, c'est de comprendre qu'il y a une histoire, une histoire longue, une histoire qui commence avec le calcul, puis avec l'informatique, l'article d'Alan Turing, 1936, les premiers ordinateurs, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient d'énormes machines, l'ordinateur personnel qui arrive dans les années 70, qu'on commence à connecter avec Internet dans les années 85, 81, 80, le web arrive en 1990... La diffusion grand public du web, ça, moi je vais dire sa démocratisation arrive à partir de 1995. Et là, on est vraiment entré dans l'ère du numérique, c'est-à-dire des usages qui sont plus ceux de ceux qui avaient fabriqué ces mondes de l'informatique qui étaient nés précédemment, mais qui étaient des hommes blancs américains très diplômés et dans un monde qui était lié à l'université et à l'entreprise. Tout d'un coup, ça va rentrer dans la vie quotidienne parce que c'est simple d'usage, parce que ça apporte de l'information, ça permet de mettre en connexion des individus qui peuvent échanger, ça permet de publier des informations et ça va devenir progressivement un univers, une infrastructure qui va occuper nos vies de façon très très forte. Alors moi j'aurais envie de dire, de façon, on y a vu beaucoup de promesses très très positives et le numérique a été associé à des choses très positives dans le début des années 2000, de façon très fortement. Et puis, on a aujourd'hui une sorte de retour de bâton, avec des discours qui, à mon avis, commettent la même erreur que ceux qui avaient trop promis, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup trop critiques. Les leaders du web eux-mêmes, du web eux-mêmes. Et moi, je trouve qu'il y a une date charnière qui est, alors il faudrait retrouver, je crois que c'est 2012, mais c'est l'affaire Snowden. Hein. C'est-à-dire, il y a un moment où, dans les représentations publiques, les promesses qui étaient associées au numérique, tout d'un coup, on basculait dans l'idée, oula, mais c'est de la surveillance, les États ont une importance dans cette affaire, les entreprises et les grands groupes industriels du numérique donnent des données aux États, et tout d'un coup, l'état d'esprit a basculé autour de du début des années 2010, avec l'idée de la surveillance. Que ces outils peuvent nous surveiller et entrer dans nos vies privées absolument, de façon très profonde. Absolument, je pense que c'est la bascule. Karine Movilly. Oui, là, vous parlez du décrochage, en fait, du dédoublage entre web et liberté, et l'espérance de liberté. Mais il y en a deux autres qui se font jour aujourd'hui. C'est le décrochage entre les espérances qu'on avait autour de l'Internet et les espérances de croissance. On voit que, ce n'est plus lié. Aujourd'hui, les dépenses numériques croissent de façon plus forte que la croissance. Mmh. Donc la promesse qui était faite à l'économie n'est pas tenue. Et la seconde promesse qui était celle de la baisse de la consommation d'énergie, puisque le numérique devait entraîner une transition énergétique, elle n'a pas lieu non plus, puisque chaque année, l'industrie numérique participe plus que l'année d'avant à l'augmentation non seulement des gaz à effet de serre, mais en plus de l'énergie consommée. Ouais. Et c'est quelque chose, évidemment, qui est plutôt encore ignoré, même si quand même les citoyens commencent à le savoir. Mais c'est vrai que derrière le digital, l'aspect abstrait précisément de ces outils, on en oublie les conséquences directes aussi pour la planète, hein, tout simplement. Absolument, mais il y a un lobby énorme qui essaye d'associer en permanence numérique et dématérialisation, alors qu'on est au contraire dans une économie extrêmement matérielle, qui repose sur la croûte terrestre, sur l'extraction de minerais, de terres rares, d'énergie, qu'elle soit carbonée ou même non carbonée. Hein, je vous rappelle que pour envoyer des mails, il ne faut pas seulement un ordinateur, il faut des réseaux, il faut des antennes relais, il faut un satellite, il faut une fusée qui a envoyé le satellite en orbite, il faut une énergie importante pour que les ondes électromagnétiques puissent être émises, etc. Après, donc, il faut stocker les données dans des lieux qui sont très importants, qui consomment eux-mêmes beaucoup, beaucoup d'énergie. Les data centers qui représentent presque 40% de l'énergie du numérique. Ouais. Donc là, on a effectivement affaire à quelque chose de tout sauf dématérialisé. Ouais. Dominique Cardon, justement, ce lien entre le numérique aujourd'hui et le développement durable, c'est un vrai sujet quand même. Ah oui, absolument. Alors effectivement, on a découvert que le numérique n'était pas une solution au problème de consommation d'énergie. Ça n'a jamais fait partie des promesses initiales du numérique. Hein, en revanche, d'être économe en énergie. Ouais. Chez beaucoup d'écologistes, la transition numérique devait permettre la descente énergétique. Oui, malheureusement, les faits ne leur donnent pas raison. Absolument. Et donc, on a découvert qu'il y a des coûts environnementaux importants du numérique. Mais sortir du numérique pour retrouver un monde carboné et un monde du pétrole et du courrier transporté par des voitures n'assure pas la meilleure solution. Donc, faire un peu le défenseur du numérique dans ce débat. Effectivement, les serveurs de données, par exemple, consomment une énergie absolument considérable parce qu'il faut les refroidir. Bien sûr. Voilà. Bon, mais on trouve aussi des solutions qui améliorent en partie cette affaire. Ceci étant, c'est vrai qu'il y a des propositions dans le monde numérique. Il y en a notamment une qui est célèbre parce qu'elle est très à la mode. On ne sait pas très bien à quoi ça sert, mais c'est très à la mode, qui est la blockchain. La blockchain, ça consomme une énergie absolument considérable pour des promesses dont on ne sait pas très bien où elles vont. Donc effectivement, il y a aussi une fuite en avant qui fait partie des vecteurs économiques du numérique actuel. Ouais. Alors tout ça ayant servi au capitalisme, hein, c'est aussi ce que vous dites. S'il y a un message politique au fond dans ce livre, Karine Movilly, c'est celui-là aussi, puisque vous dites finalement la société s'est livrée aux mains des entrepreneurs du numérique avant tout. Hein. Oui, tout à fait. Et on peut même dire que le gouvernement, régulièrement, livre une nouvelle portion de la population aux entrepreneurs du numérique. Si on veut prendre les exemples récents, c'est par exemple la fin des lignes fixes, à partir de 2021, Orange n'installera plus de lignes fixes, mais il faudra avoir une box en intermédiaire entre son fixe et sa prise. Donc voilà, on ajoute un objet qui n'était pas nécessaire, mais qui va être produit par des entreprises. C'est déjà le cas dans plusieurs pays. Hein. Hier, on a passé un coup de fil en Norvège. On voulait appeler notre invité, justement, de la Une de la Science, sur un téléphone fixe. Or, il n'en avait plus dans son bureau. Il fallait appeler sur le portable. Hein. C'est ça. Ou alors, ce qu'on appelle un téléphone Internet, qui est aussi possible. Donc voilà, si on prend par exemple les compteurs d'électricité, la décision a été prise, sans évidemment consultation démocratique, de changer tous les compteurs qui fonctionnaient très bien pour des compteurs communicants ou compteurs connectés. C'est toujours un débat. Certaines personnes résistent, se réunissent en collectif pour essayer de refuser l'installation du compteur Linky. Mais voilà, régulièrement, sans débat, comme une évidence, comme si c'était le progrès, on On livre la population par paquet. Donc aujourd'hui les administrés, demain les élèves. On y est déjà pour les élèves qui sont livrés à l'école numérique. Dominique Cardon, est-ce qu'il y a un déficit démocratique dans cette question là du numérique, vous qui êtes un observateur de la société? Mais y a démocratique sur ce genre de décision. Oui, bien sûr. Oui, moi je pense qu'effectivement il y a des choses qu'on nous impose, il y a des effets de conformisme, notamment dans les usages du numérique, qui sont extrêmement présents. Après, il faut aussi un peu de culture du numérique. La ligne fixe, ça fait 20 ans qu'elle est déjà numérique, elle est plus analogique. Donc, quand on défend la ligne du téléphone fixe, c'est bien un outil numérique, c'est que du numérique derrière cette... voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai une appréhension plus large de cette idée du numérique. Maintenant, il est extrêmement présent, il est complètement ambivalent, c'est-à-dire qu'on peut en faire le meilleur et le pire. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de mythes alors pour vous autour de la culture numérique justement et des usages que nous en faisons? Ah oui, il y a beaucoup d'idées qu'on construit sur le numérique, parce que c'est un secteur industriel qui ne cesse de promettre et qui vit de la promesse. Et du coup, on entretient effectivement un certain nombre d'idées qui sont pas constatées dans les pratiques et dans les usages. Mais est-ce que la technologie fonctionne sans nous aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire, finalement, la société s'est embarquée là-dedans, cautionnant au fond aussi les bénéfices qu'elle en tire? C'est toute l'ambiguïté des transformations, donc qui est de dire que le numérique dans son ambivalence, il est incorporé à nos pratiques, à nos usages. Parfois, il a forcé la porte. Ça, moi, je serais entièrement d'accord pour dire que parfois, il a forcé la porte. Mais c'est quand même un encastrement assez profond dans nos sociétés. Donc, il peut produire des choses qui sont très bénéfiques et des choses qui le sont moins. Pour prendre juste un mythe, voilà, on a un grand mythe et qui est un peu présent dans l'idée, en face à face, là... On est dans le réel et c'est authentique. Oui. Et puis le numérique, lui, c'est pas authentique. Le virtuel, hein. C'est artificiel. Le réel et le virtuel. C'est pas vrai, etc. Bon, là, ici, il faudrait décomposer la pièce, mais le nombre de technologies numériques qui permettent de faire ce qu'on est en train de faire, là, est absolument hallucinant. Et donc, une des idées qui me semble très fausse sur le numérique et qui est compliquée à décrypter, c'est que en fait, on est complètement articulé dans ces mondes. Donc, l'idée dans sortir complètement est très difficile à faire. Et surtout, l'idée que le face-à-face est absolument authentique, c'est pas toujours très authentique un face-à-face quand vous êtes face à votre patron, et que l'idée que le numérique, on peut pas y vivre des choses dans lesquelles il y a une expérience sensible incroyablement forte est aussi attestée par plein de choses. On en a déjà souvent parlé avec vous, cette opposition entre le réel et le virtuel. Donc voilà, il y a une sorte de fiction sur cette affaire. Karine Movilly, vous êtes d'accord là-dessus ou pas? Non, je crois que le numérique s'insinue dans nos vies sans qu'on le maîtrise, à chaque instant, poussé à la fois par des lobbies californiens ou autres, parce qu'aujourd'hui on a une French Tech, donc un écosystème français aussi très important qui tente de s'imposer et qui réussit, puisque les lois lui sont de plus en plus favorables. Par exemple, un petit article dans une loi obscure prévoit que, par exemple, des sites internet pourront faire des médiations judiciaires pour des parties à un procès. Et donc voilà, on va permettre soudain à un site internet de rendre la justice sans garantie. L'enquête publique, par exemple, vient également de disparaître dans la loi ESSOC de l'année 2018. Eh bien, maintenant, on peut faire une consultation internet des citoyens à la place de l'enquête publique, etc. Ça avance petit pas par petit pas, et au fur et à mesure, notre vie est colonisée véritablement par les applications, par les données, et il devient de plus en plus difficile de choisir. Donc on a encore quelques domaines où on peut choisir. Et quelques espaces de liberté. Quelques espaces pour de liberté. Et en particulier, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au moment de l'enfance, c'est-à-dire ne pas habituer les enfants trop tôt à cet écosystème, puisqu'après c'est très difficile de s'en sortir. Il y a un chapitre sur le téléphone, on le disait tout à l'heure, pas de téléphone avant l'âge de 15 ans. Et alors, vous citez cette histoire qui ferait presque pleurer dans les chaumières, de cette petite fille de 11 ans qui jouait jusqu'à l'âge de 11 ans justement avec ses camarades, même peut-être avec vos enfants, et puis tout d'un coup qui disparaît, on ne la voit plus parce qu'on lui a offert un téléphone portable. Oui, tout à fait. En une semaine, elle n'était plus là, elle ne jouait plus. On la voyait de loin passer, mais elle n'était plus avec nous. Et elle a été happée véritablement par ce qui lui était proposé par l'écran, sans contrôle parental. Donc, j'imagine avoir des vidéos YouTube, à aller sur les réseaux sociaux. Et là, il y a vraiment un... Je trouve un... Il y a un espace d'action là pour les parents de ce côté-là, puisqu'il est vraiment possible de ne pas offrir de téléphone à son enfant. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. C'est simplement agir par omission. Et on peut le remplacer par énormément d'activités intéressantes avec les adolescents. Avant 15 ans, oui. il va falloir lutter, hein, Dominique Cardon. Oh là là. Ça va être compliqué à mettre en place. Mais c'est ça être parent. C'est lutter, c'est pas être aimé. Oh là, carrément. Bah bien sûr. Oui, alors, bon, alors, moi, je suis assez d'accord avec votre idée qu'il faut être très attentif et très critique. Mais là, on a un truc qui est, je voudrais le dire comme observateur des transformations globales de nos sociétés, en fait. Le numérique, il est arrivé dans nos sociétés avec une individualisation des pratiques sociales, des comportements, des représentations du sujet contre le paternalisme des médias, des institutions, des politiques, des gens qui leur disent ce qu'il faut faire, comment il faut vivre, etc. Moi, mon sentiment là, c'est que à vouloir leur dire, écoutez, vous devriez pas faire ça, vous devriez faire ça, vous devriez vivre comme ça, c'est exactement la manière dont ça ne fonctionne pas dans nos sociétés. Donc, ma voix critique sur le numérique, c'est d'expliquer aux gens, enquêtez, comprenez, éducation, faites attention à un certain nombre de pratiques, réorientez votre curiosité, mais c'est pas de leur dire attention, donc vous ne devriez pas faire ça. L'injonction, c'est compliqué. Mais l'injonction, elle a de plus, on ne cesse de le voir dans nos sociétés, elle a quand même du mal aujourd'hui à avoir des effets. Mais avant d'avoir acquis les fondamentaux, c'est-à-dire avant d'avoir 15 ans, d'avoir terminé le collège, c'est très difficile d'avoir cet esprit critique. Donc justement, mais je vous assure qu'à 15 ans, on peut faire plein de choses avec le numérique. À 12 ans, on peut faire plein de choses. Moi, voilà. Plein de choses sans. Et justement, commencer à appréhender le monde avec ses sens, avec son intuition, avant d'en arriver aux objets techniques. Allez, on en discute dans un instant. Il y a beaucoup de messages pour vous, de réactions des auditeurs et des parents qui interdisent le téléphone portable à leurs enfants avant l'âge de 15 ans, justement. Allez, on vous transmet ça dans un instant. Like this before, illusions that it try to understand the questions of the man I'd hope could find. What is designs in the lonely days go by? Polyblue, c'était la voix de Jessica Pratt. La tête au carré, Mathieu Vidard. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? On a le temps, faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu ? Dis donc, t'as déjà regardé une fleur de carotte ? Hé, tiens, regarde ça. Bah, tu vois, c'est ça la vie. Tiens, je m'enroule une. Puis je vais me la faire moi-même. Puis je vais prendre le temps de me la faire. Puis je vais prendre le temps de me la fumer. Et puis je vais prendre le temps d'en profiter. Et puis je vais prendre le temps. Voilà, Alexandre le Bienheureux, Philippe Noiret, évidemment, pour parler aujourd'hui eh bien, d'un petit recul sur le numérique autant que possible, avec Karine Mauvilly qui publie cet ouvrage Cyberminimalisme au Seuil, et Dominique Cardon avec Culture numérique aux presses de Sciences Po. Est-ce que prendre son temps et être vivre dans la culture numérique aujourd'hui est compatible, Dominique Cardon? Ben oui, il n'y a aucune incompatibilité. C'est là, une partie du débat, c'est savoir qu'est-ce que nous faisons des technologies qui sont disponibles. C'est vrai qu'il y a des intérêts industriels à capter notre attention, mais ça concerne les grandes plateformes qui essaient de nous capter. Mais le numérique, c'est pas simplement Facebook, Google et Instagram. Le numérique, c'est des sites web, c'est de l'information, c'est de la connaissance, c'est de la production scientifique, c'est de l'échange, c'est de la sociabilité, c'est plein d'autres choses qu'on peut faire. Et parmi les choses qu'on peut faire, on peut aussi, et ça je souscrirais vraiment à vos propositions, être attentif à limiter, maintenir ou garder le temps qui est possible. Mais on est dans une société où il y a un autre facteur, il y a un autre moteur important qui n'est pas que le numérique, même si le numérique est greffé en partie, c'est le néolibéralisme. C'est l'accélération de la vie sociale. C'est le fait que les enfants, aujourd'hui, quand ils sont pas à l'école, ils sont au solfège. Quand ils sont pas au solfège, ils sont au club de sport. Quand ils sont pas au club de sport, c'est qu'on est en train d'accélérer leur temps considérablement. Donc on ne leur laisse pas de marge de temps, parce que toute la vie sociale ne cesse de dire, non pas qu'il faut devenir une star sur Instagram, mais qu'il faut réussir à les grandes écoles, qu'il faut etc., qu'il faut se former, etc. Et que cette accélération de la vie sociale, cette pression constante à la réussite, elle est inscrite dans le numérique, mais elle est inscrite dans énormément d'autres facteurs de la vie sociale qui poussent à cette accélération, qui ne libère sans doute pas assez de temps contemplatif pour les personnes. Et ça joue sur la cognition humaine aussi, tout ça, quand même. Ça a des effets directs. Sans doute, absolument. Karine Mauvilly, pour réagir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'accélération. Sauf qu'aujourd'hui, les écrans, les données au sens large, les applications vont venir remplir le moindre interstice de temps qui pouvait rester aux enfants, qui pouvait rester aux salariés. Donc on peut dédouaner cette culture numérique en disant qu'elle n'est pas responsable de cette situation. Effectivement, puisque c'est simplement le dernier avatar du capitalisme, la façon pour le capitalisme de trouver des nouveaux débouchés. Donc on est bien d'accord que ce n'est pas le numérique en lui-même, c'est plutôt cette production permanente de marchandises qui est en cause. Sauf que cette nouvelle manifestation du capitalisme prend des traits qui viennent remplacer notre temps libre, notre attention et également nos capacités d'apprentissage. Alors, c'est là où il y a un problème. Puisque vous avez fait cette expérience de quitter un petit peu le monde numérique pendant 4 ans, en tout cas avec le téléphone en juste particulier. Juste le téléphone, mais j'avais un ordinateur. Mais quand même, ça a changé beaucoup de choses finalement dans votre façon de vivre. Vous avez vécu le temps autrement? Ça n'a pas changé fondamentalement ma vie, parce que malheureusement le numérique est partout ailleurs. La machine est partout, machine avec un grand M est partout autour de nous. Mais c'est vrai que ça enlève de la pression, c'est-à-dire qu'on n'a plus de pression de répondre, de regarder l'heure sur son portable, d'être à l'affût des opinions des autres, etc. Donc ça apporte un certain bien-être et que j'essaye de prolonger aujourd'hui en oubliant le plus possible chez moi mon téléphone. Ouais. Dominique Cardon, vous avez fait l'expérience ou pas? De vous couper un temps, des outils. Moi, je me sens très coupé pendant les vacances du numérique. Et moi, je pense qu'on peut en faire des usages avec des très grandes alternances. Et c'est ce qu'on observe aussi dans les enquêtes. Alors, il faut vraiment faire attention à cette idée de la capture de l'attention. Il y a une capture de l'attention pour un temps complètement distrait, qui est de scroller sa page Facebook ou Instagram. Et là, dans ces cas-là, on n'est pas dans l'univers productiviste qui est en train de pousser le phénomène d'accélération. On est tout simplement en train de s'abrutir à regarder des trucs idiots. La télé a toujours fait ça, une partie de la télé. Bon, mais c'est dans cette dynamique-là, on peut aussi avoir des usages. Je voudrais vraiment y revenir pour élargir cette notion du numérique. Vous avez, c'est un bel exemple que moi j'aime bien. C'est un collègue qui m'a montré ça. Vous avez des chaînes de YouTube qui sont faites avec des conducteurs de trains scandinaves qui posent la caméra sur le devant le train et qui filme le trajet dans les montagnes. C'est absolument sublime. C'est des vidéos qui font 3 heures. Ouais. Vous êtes scotché, vous êtes accroché. C'est complètement contemplatif. Il y a un côté absolument zen à le voir. Donc, je dis ça parce que et on dit écran. Et on fait tourner les data centers pour un peu de similitude. Mais... c'est un petit peu dommage. Mais d'accord. Mais on dit écran. La question centrale, c'est qu'est-ce qu'il y a sur l'écran? Qu'est-ce qu'on en fait? Avec qui on discute? Oui, mais quel échange on est en train de faire? Ça dépense aussi comme énergie, ça c'est vrai. Ça dépend de l'énergie. Non, non, mais là-dessus, alors, ce point est absolument indiscutable. Il y a beaucoup de messages d'auditeurs. Alain nous dit, j'aimerais bien que vous parliez quand même les logiciels libres qui nous donnent les moyens de se protéger des prédateurs numériques. Ça ne manque pas, dit-il. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre? C'est une des solutions que vous proposez, justement, Karine Mauvy. Alors, c'est une des solutions dont je parle après y avoir beaucoup réfléchi parce que, aller vers les logiciels libres, finalement, c'est toujours faire de l'informatique. Donc ça ne nous éloigne pas vraiment des écrans. Sauf que c'est une solution, on va dire, temporaire, avant qu'on vive peut-être avec moins de numérique, un jour, dans un scénario post-transition, post-effondrement qu'on peut imaginer. C'est pas pour rien que c'est quand même à la collection Anthropocène. Ouais. Donc ces logiciels libres, ils permettent pendant un temps transitoire d'avoir moins de surveillance sur nos données en installant des logiciels qui n'institutionnalisent pas le vol de données comme peuvent l'être Windows ou Google, chacun dans leur domaine. Dominique Cardon, efficace, ça, c'est une solution Le logiciel libre, il faut le dire, mais il faut un petit peu... Le logiciel libre, c'est le cœur de la culture numérique. C'est le cœur de la culture de l'histoire d'Internet. C'est la culture de la coopération, du partage, de l'échange et des informaticiens qui partagent ensemble le code qu'ils ont produit et qui ne mettent pas de brevet dessus ou qui mettent un brevet qui protège la liberté. C'est ça, le logiciel libre. C'est pas lié à la protection des données personnelles. C'est la manière de faire des logiciels. 80% des serveurs qui font tourner Internet aujourd'hui sont en logiciel libre, sous Apache. Le logiciel libre, aujourd'hui, occupe une place considérable et il est dans l'esprit de la culture numérique et c'est pour ça qu'il faut s'en servir. Un point d'appui critique contre les l'emprise propriétaire qu'exercent d'autres acteurs qui cherchent non seulement à contrôler nos données, mais aussi à ce qu'on ne puisse pas accéder au logiciel pour le transformer, pour le bidouiller. La culture du numérique, c'est une culture de la bidouille. Il faut pouvoir fabriquer, il faut pouvoir donner... coder, il faut pouvoir imaginer de nouvelles choses. Quand les logiciels sont propriétaires et fermés, ils ne donnent pas cette liberté à l'utilisateur, alors que le logiciel libre le fait. Allez, il nous reste peu de temps, malheureusement, encore des messages. Alain qui envoie un petit coup de griffe à France Inter, il nous dit « On regrettera cependant que le site de France Inter mette en avant Facebook et Twitter pour le contact et utilise ensuite un captcha de Google qui leur permet d'affiner gratuitement leurs outils. » Et bim Il a bien raison, faut arrêter avec Google, faut arrêter. Il y a quand même des logiciels alternatifs, que ce soit en moteur de recherche, en navigateur, etc. Ouais. Vous pouvez nous en citer un ou deux, on peut donner... Oui, en navigateur en internet. En moteur de recherche, vous avez Quant, DuckDuckGo, StartPage, il y en a beaucoup d'autres. Ça existe. Hein. Nicolas nous dit, je suis enseignant de plus en plus, l'éducation nationale me demande d'utiliser les smartphones justement dans les enseignements. Que faire? Alors là, c'est une des situations où les parents doivent résister. C'est très compliqué parce que les établissements et les départements poussent à l'équipement des collèges et des écoles. Il y a là un scandale puisque derrière, on a quand même une capture des données des enfants. On enferme la relation enseignant, élève, parent dans des logiciels, alors qu'avant, on communiquait très bien par le cahier de texte. Ouais. Et puis, on propose de remplacer les livres et les cahiers par des logiciels, par des tablettes, c'est-à-dire par des objets extrêmement énergivores qu'on ne saura pas recycler et qui n'ont pas encore prouvé leur efficacité pédagogique. Hein. Oui. On cherche encore les études qui nous montrent que étudier sur numérique serait plus efficace. Marjorie nous dit, allez dire à son ado de 15 ans qu'il ne peut pas avoir un portable ou jouer, c'est mission impossible. On ne peut pas mettre en avant le libre arbitre et en même temps leur interdire ce qui constitue la culture des jeunes de leur âge. Dominique Cardon. Oui, moi je crois effectivement que c'était un peu paternaliste et rigoriste cette histoire des 15 ans. Mais en revanche, moi ma recommandation, qui est celle de beaucoup de pédagogues sur le numérique, c'est d'être attentif à ce qu'ils font avec le numérique. La question centrale, c'est l'usage. Donc la variable décisive, c'est une variable d'éducation parentale. C'est est-ce qu'on les laisse avec leur téléphone faire ce qu'ils veulent, ou est-ce qu'on essaye de comprendre l'intérêt qu'ils y prennent? Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi tel jeu, tel ami, tel espace de discussion est pertinent et parfois telle pratique, tel type de communication l'est beaucoup moins? Et c'est à ce moment-là, à mon avis, que la relation éducative et parentale peut intervenir. Le côté un peu fixe ferme, tu n'auras pas ce que tous tes copains ont. J'ai dû, voilà, mais là je dis ça en sociologue, c'est que c'est intéressant de le dire, mais c'est tellement peu pertinent du point de vue de l'efficacité quand même, de la proposition que... Il existe quand même des limites d'âge extrêmement courantes dont nous avons l'habitude. On n'a pas le droit de conduire avant 18 ans. On n'a pas le droit maintenant de se marier pour garçons et filles avant 18 ans. On n'a pas le droit d'acheter de l'alcool. Mais ce que je suis essayé de vous dire, c'est que ces limites d'âge, elles sont quand même, on les a intégrées. On les a intégrées aujourd'hui. Bon. Donc c'est pas inimaginable d'envisager une limite pour le numérique. On est obligé de s'arrêter parce qu'il y a la campagne pour les européennes qui nous attend. Je suis vraiment désolé, on aurait aimé discuter beaucoup plus. On peut renvoyer vers vos ouvrages, hein. Cyberminimalisme, Karine Movilly, c'est aux éditions du Seuil. Et puis Culture numérique, aux presses de Sciences Po, Dominique Cardon. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi dans La Tête au Carré.